Batsy, à vous de vous présenter. And it's so style. Ma Batsy, Batsy, bye. Ici c'est la mauvaise impuissance, évitation. Ici on trame à l'essence, c'est nos ancrés. Elle n'est pour descendre, c'est la mauvaise. On bat au poil les traits du on sort, c'est la mauvaise. Comme les squads, vis de barbare, un vis de bâtard. Si je dégaine, c'est barbare sur les faux la hargra. Ici les hargans, OMIC, y'a quoi se méfier. C'est son qui pète des étriers, essaie de crier, essaie de crier. Sur ce mort, je te fais prier. Ça fait ratatata quand on débarque. Dès le départ, t'entends des gens qui tapent des barres. Mais ça t'appart, direct, tu pars. La retrouvaille, tu t'attends pas. Tant que t'es pas la bienvenue, cherche pas, c'est pas. Car ici, tu sais pas, non, tu sais pas qu'on sait, c'est qu'à des tailles, bout des boules. Les négros s'écroulent, un arrive et qu'il déroule. Le tapis rouge, genre qu'on roule. On vient de mobiliser, reste immobile. Car les mobiles des keufs ne poussent être habiles sur le bitume. Pour plumer des dunes, tu sais, on sait se lancer dans des trucs sensés. Mais l'essentiel, c'est qu'on y aboutisse avec ou sans excès. Faut qu'on décolle avec notre style, qu'on te donne un truc hostile que t'apprécies durant des cycles et même des siècles. On disait que l'instru et qui que c'est que les intrus, les porcs et les truies, c'est le bis qui nous instruit. Te demande pas d'où ça sort. Ici on se tape avec ce qui le mauvais sort. On se tape, pas chasser ses taux, pas graver les étapes. Y'a des tas qui fusent et des semelles qui s'usent, des salopes qui s'usent, des darons qui suent, des darons déçus. Déçus, déçus, déçus. Allez, ok, pas de site ou. Qu'est-ce que Fonce des comarlés, je tourne en rond, je sais pas où aller. Voir les hommes roux, mais voyez-vous comment je suis de speed. J'accélère, aïe, on a plus le temps, mec, c'est l'heure. L'heure, faire les comptes pour les leurs. Dire au charbon, sont les bandits. Et moi, si j'ai le choix, toute ma vie en l'air éphémère. Tout ce qui m'entoure, tout niquer. Un bon commentaire, m'en sortir sans mentir. Sentirait impossible, cafri anti-air, catalogué au P2P. En train de galoper, trop précis de loup. Je ne pourrais pas, je ne ris pas. Je le baisse, premier qui riposte. Mes potes ont pris le poste de contrôle pendant que tu râlais. Mais laisse-les faire du bruit, parler, parler, faire pister, parler. Condé, j'étais solide, solide, mon équipe massique. Au pur et dur, et les destinées en sursis depuis que je suis né. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe, je veux dire, le rap il est pas mort. On vient remettre un coup de pouce. Stop, on danse plus le Mia. On charbonne pour millions. J'milite, j'manie le beat. Le mic pour toi avec les miens. La street c'est tard. Poto, ta ambiance fait tard. Trop d'aronne, lâche des gouttes. Pendant que toi tu goûtes au garde là, au Z là. J'sais que les reins sont là quand y'a Heja. Y star au chrome, index y'a danger. La boîte dingue criminelle. Mon NSO opérationnel. Ding ding ding ding ding danger. Ding ding ding ding ding ding danger. J'rappe la trime, la crime, faut que t'apprimes. J'en présenterai jusqu'à la mort. Tous mes frères sont fait supprimer. J'repate si présent tous mes opprimés. Ceux qui rêvaient de prime, pas d'une longue peine de prison. La vie nous brise, c'est la boisse qui nous baise. À la coquette du pèse, on veut tous finir à l'aise. Adam sort, c'est dans la bicrave que je suis à l'aise. Le black qui charbonne, qui se lave avec la braise.